Les fées se réjouissent de cette fête. Annabelle répète. Un bal, un grand bal en notre honneur. Mes robes chanterelles sont très belles, mais il me faudrait une vraie tenue de gala pour danser ce soir-là. Il nous faut une robe spéciale pour le grand bal, affirme Ombeline qui ajoute. Je connais quelqu'un qui nous confectionnera les plus beaux habits de fête. Suivez-moi. Bientôt, les fées s'arrêtent devant un rideau de lierre. Ils dissimulent une porte de cristal, couvrent Bérangère la couturière. Elle les salue et d'un geste de la main, les invite à entrer. Jamais les fées n'auraient imaginé un tel atelier. D'un côté sont accrochés des dessins aux traits fins, des silhouettes magnifiquement drapées. De l'autre sont exposés des tissus soyeux, des étoffes d'une rare beauté, des dentelles de toutes sortes. Et sur les étagères trônent des bobines de fil brillants et des boîtes transparentes de boutons de nacre. Les fées font le tour de la pièce. Leurs doigts caressent des velours, des voiles de satin, s'arrêtent, puis avancent vers les mousselines et les soies. Ces tissus sont tous plus beaux les uns que les autres. Comment choisir ?